from The Electric Fetus, your local record store for old. You're listening to KFAI Fresh Air Radio, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur KFAI 90.3 Minneapolis et 106.7 FM St. Paul, Radio Sans Frontières. Et comme je dis, c'est Bonjour Minnesota. Alors, bonsoir Dana. Bonsoir. Et bonsoir Olaf. Bonsoir Caril, bonsoir Dana. Quoi de neuf? Nous y sommes, here we are. It's pledge drive. Just coming up, we want to remind everybody who's listens to go ahead and visit kfai.org to pledge their support and show that they're, you know, on our side and that you support community radio. Anybody, how was your week? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, oui, on a passé une bonne semaine, mais on, nous, notre quête, notre demande concentrée, ce sera mardi prochain. Mais, je crois, mais on accepte. Si, mais on accepte, il faut quand même indiquer qu'ils peuvent accéder le web, la toile. So, tonight? Oui, à n'importe quel moment, ils peuvent l'accéder et puis donner pour Bonjour Minnesota s'ils pensent que c'est une émission qui vaut la peine. Or, tonight, if you'd like to pledge. The actual pledge drive starts next Tuesday here for Bonjour Minnesota, Friday for the other programs. But we will accept your pledge here in the studio. Our number here is 612-341-0980. If you'd like to call us when the music is on, we'll be happy to accept your pledge. Or you can go online at kfai.org. And send in your pledge. There are gifts, I should say, thank you gifts, such as t-shirts, sweatshirts, all kinds of mugs and that kind of thing that you can see in all their glory right there on your screen or your computer. All right. Well, let's kick off the show with some music that you have on your playlist for us. You picked out something for spring? Moi, oui. J'ai Jean Ferrier et il va chanter Au printemps, de quoi revêtu. Et ça va être suivi par Ferrat, j'ai mal prononcé, et Les Poètes. Here we go. Jean Ferrat, il n'est plus avec nous, mais on a heureusement toutes ses chansons sur enregistrement. On y va. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Vieux monde clos comme une orange. Faites que quelque chose change. Et l'on croise des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Au printemps, de quoi riais-tu? Jeune homme bleu de l'innocence, tout à couleur de l'espérance, que l'on se batte dans la rue ou qu'on y danse. Au printemps, de quoi riais-tu? De quoi rêvais-tu? Point

Let's take another song I like a lot. I was just looking at the top 100 songs in France, and this song called L'Avenir by Luan is a very nice song from her album Chambre 12. So here we go. Il faut dire la prochaine. Yeah, what are... Oh, we didn't tell you what you just listened to. That was Luan with Avenir, the future, from her album Chambre 12. Room 12. We're room 12. So what... I don't know much about Luan, new artist. Yeah, she's in the top 100 and... She's been having some hits lately. I think this is one of the top 100. One of her top 100 in France and top 2015. So, what are we going to listen to, Olaf? What would you like us to play? Well, you have my CD. I have your sheet. Well, let's start out with Printemps. Actually, it's a children's song, but it deals with Printemps, which we just passed into on the 21st. Actually, we passed in it on the night of the 20th because we are in a leap year. So therefore, it's kind of shifted a little bit, but no one takes really notice. And this is a children's song. But then I also have one that deals with the Île Saint-Louis, and we want to dedicate this to Louise. But that's one of her favorite songs, and she's been so helpful. So... And the sin is moving along, and it's clearly, well, spring and summertime when she when the Ile de Saint Louis thinks that she should kind of take off and explore the world. It's the same here with the barges coming up the Mississippi I saw the other day. We're so lucky to be a river town, just like Paris. Here we go. C'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur. Dans les nids, les petits, c'est cosy, tout son cœur. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youpla là, c'est joli pis c'est pas cher. Je suis content, c'est printemps, c'est pour moi qu'est le butine. Les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est printemps, je compte les rossignols, je suis content. L'île Saint-Louis, en ayant marre d'être à côté de la cité, un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines, qui s'en allaient au fil de l'eau. On la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on reste tranquille au cœur de la ville, c'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, on quitte la rive en douce, on s'esquive pour voir du pays. De la mer Noire à la mer Rouge, des îles blanches aux îles d'or, raconta le naufrage et l'île au trésor s'était noyée. Quand on est une île, on vogue tranquille, trop loin de la ville, malgré ce qu'on dit. Mais un jour arrive où l'amant dérive, on songe à la rive du bon vieux Paris. L'île Saint-Louis a de la peine, du pôle sud au pôle nord, l'océan ne vaut pas la Seine, le nord. Qu'en est-il à Notre-Dame? On prend le temps de réfléchir. racines sages, point de grands voyages, les livres d'images se font à Paris. Well, we heard Le Printemps, Spring, actually a children's song, but very nice presentation by Henri Dess, in, well, describing how glad the kids are that spring is there, although they still have to go to school, but at four, they get out of school and they can run around and in nice spring weather. And the second one was L'Île de Saint-Louis, which thought that she was a boat and started to take off, and then roamed around the world. And of course, you can't take off in midwinter, so you have must have been in spring that this happened. But then after a while, she found out it's much better to be back in Paris. And the song was dedicated to one of our faithful listeners, Louise. So, and we're going to have two more. About flower, des fleurs, dites-le avec des fleurs, Anne et Gilles, les lilas, and Barbara, le temps du lilas. Mon premier, les lilas cueillent en branche, mon deuxième, lilas. Que vous en pensez, mon troisième, il a, pour la tige sans tranche, mon dernier, lila. Il a bien qu'il a le dernier, mon premier, il a plein, il est liquide en branche, mon deuxième, il a, quoi que vous en pensez, mon troisième, il a, pour la tige sans tranche, mon dernier, lila. Il a bien qu'il a le dernier. Mon premier, il a plein, il est liquide en branche. Mon deuxième, il a, quoi que vous en pensez. Mon troisième, il a, pour la tige sans tranche. Mon dernier, il a bien qu'il est là le dernier. Quand le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, le temps des toujours, toujours. Il m'a planté la semble et c'est l'adresse, puis il est parti, adieu Berthe. Si tu le vois, ramène-le-moi, dis, le joli temps du lilas. On en sourit du coin de l'œil, mais on en rêve du grand amour. Je l'ai connu, j'emporte le deuil, ça ne peut pas durer toujours. Je l'ai valsé au grand soleil, la valse qui vous fait la peau douce. Je l'ai croqué le fruit vermeil, à belle dent, à belle bouche. Bah, j'en ai profité du temps du lilas, du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, et du temps des toujours, toujours. Avant qu'il me quitte pour me planter là, qu'il me salue, adieu Berthe. J'en ai profité tant fait pour moi, du joli temps du lilas. Il vous arrive par un dimanche, un lundi, un beau jour comme ça. Alors chaque nuit qui se penche s'allume dans un feu de joie. Et puis un jour c'est la bataille, meurt la rose et le lilas. Fini le temps des épousailles, c'est la guerre de toi et moi. Et l'œil qui fout le camp sans nous crier gare. La rose est trop ouverte, on veut le rattraper, mais il est trop tard, le joli temps du lilas. Il vous plante là sans laisse, et l'adresse ville saluée, adieu Berthe. Il vous file entre les doigts le joli temps du lilas, mais va te balancer à ses branches, va t'en rêver dans ses jardins, va t'entraîner hanche contre hanche, du soir jusqu'au petit matin. Mais va t'en profiter du temps du lilas, du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, du temps des toujours, toujours. Ne reste pas là, va t'en le cueillir, il passe et puis adieu bête. pas pour moi, j'ai mes souvenirs du joli temps que voilà. T'en fais pas pour moi, j'ai mes souvenirs du joli temps tu du joli temps tu liras. Alors, vous avez écouté deux chansons. D'abord, c'était Anne et Gilles qui ont chanté Les Lilas, suivi par Barbara, Le Temps de Lila, des Lilas. So, this was Anne et Gilles and the Lilacs, mm-hmm. and Barbara, Le Temps du Lilas, the time or the moment or the season of Lilacs. And these were chosen because, I mean, it's not really spring because it's advanced in spring. Lilacs come when? May? Yeah. It's all mud of May. It's like a more, but I mean, I've been looking frantically for songs that have any relation to spring. This is a good reminder of what's coming up. Exactly. I mean. Prochainement. Oui, je l'espère. Mm-hmm. On a tellement envie de voir les fleurs et tout ce qu'il y a de vert. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un jour de froid qui va arriver encore? Oui, il va faire très froid la semaine prochaine, je crois. Et ce soir, il va pleuvoir. Bon. Let's have an announcement and we'll play some music for some rain. Save the dates. On Friday, April 15th and Saturday, April 16th, KFAI is throwing a musical celebration at the Eagles Club in Minneapolis. We'll have two nights of music on three stages with dozens of performers. Friday night is Roots Night, featuring Cajun, Zydeco, Americana, and folk music. The Rockers take over on Saturday with everything from old school to punk, hardcore, and experimental. Stay tuned to KFAI for more information. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à frou-frou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, hors de son or, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Deux chansons par Georges Brassens. D'abord, c'était Le parapluie. Et on va en avoir besoin ce soir parce qu'il va pleuvoir. Et jusqu'à demain, selon le météo ici. Ensuite, Georges Brassens a chanté la deuxième chanson, J'ai rendez-vous avec vous. Alors, le chanteur de Georges, il a tant de problèmes et il ça lui est égal parce qu'il a rendez-vous avec sa bien-aimée. Hein? Mmh. C'est rien. Il lui doit de l'argent à la gargotière, qui est la landlady en anglais. Mais ça fait rien parce que lui, il a rendez-vous avec vous. So this was Georges Brassens. Ouais, c'était beau Georges Brassens, oui. On peut le comprendre très bien, n'est-ce pas? Oh, he has an absolute perfect diction. Oui. So, and this, the first was about the umbrella, mm-hmm. le parapluie, and that was given in honor or a little taste of what's waiting for us tonight and tomorrow. And the other one dealt with him having a rendezvous, mm-hmm. but he has all kind of, well, pas mal de soucis. He has a lot of soucis, a lot of grief. He doesn't have the money to pay his landlady. He doesn't, have money for spending money. But he has a rendezvous, so he will meet his love, and that's the main thing. Very easy to think about. All the other stuff, push it to the side. All right, all right. Meeting with a lover sounds great. What else do we have from Olaf? Okay, les prochains, oui, voilà. Il y a une chanson aussi, une chanson pour enfants, mais c'est la chanson Les Lapins, mm-hmm. et c'est un peu à l'honneur de Pâques. Les Lapins, c'est pas toute la France, mais c'est surtout en Alsace et dans les départements de l'Est qu'on ajoute

Elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'aucune aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. March means membership at KFAI. The drive is on. The time to make your contribution is right now. I'm Carla Hagen, host of Corazon Latino. You have the power to keep community radio strong. Go to KFAI.org and click where it says support us. And thanks for contributing to KFAI. Programming on KFAI is supported in part by the Medtronic Philanthropy. Medtronic's commitment to a healthy Twin Cities starts with educating people about the warning signs of heart problems. Constantly feeling tired, a loss of appetite, memory loss or disorientation, and increased heart rate can be a sign of heart failure. Anyone experiencing more than one of these symptoms should call a doctor as soon as possible. More information is online at ampershealth.org. Alors, deux chansons qu'on vient d'entendre, c'était d'abord chanson pour enfants. C'était Gérard de la Haye qui chantait Les Lapins. Et je n'en ai pas vu des lapins dans mon jardin, mais d'habitude, ils bouffent tout ce qu'il y a dans mon jardin. J'en ai vu en venant ici, à Saint-Paul. Mm-hmm. Il y avait beaucoup dans les jardins des gens. Ouais. Quelques-uns. Oui, mais cette année, j'ai vu beaucoup moins que les autres années. Mm. On se demande pourquoi. Oh, c'est peut-être des coyotes, de ces bêtes-là qui mangent les lapins. Et l'autre chanson, c'était... La deuxième chanson, c'était Mouloudji, qui chantait comme un petit coquelicot. Et c'était une surprise à la fin, parce que le coquelicot était du sang. Mm. C'était un peu, oui, un peu triste, oui. So, what we heard was... Gérard de la Haye, les lapins, the rabbits or the bunnies, and he sings very nicely about what they do and how they eat their grass and so on. And then also something comes along about an egg in this song. And I don't know exactly how that all fits together. Il a bien dit, un lapin qui pond des œufs. Yes, but so it has something to do with Easter, at least, mm-hmm. that way, I hope. And the other one was kind of a sad song about comme un petit coquelicot, like a little poppy. One of these red poppies, and he sings about a girl who he has seen and who's with, and then at the end it becomes a little twist and sad. I mean, she apparently dies, and he sees her blood like red, like a coquelicot, like the red. Mm-hmm. So over her heart. Mm-hmm. We don't know exactly what happened there. Exactly, but so this was neither a song for spring nor for summer, nor was it very. but I mean, we do have to get some of these good chansons out there. Mm-hmm. What's next? Les deux prochains, c'est puisqu'on est au printemps, et le jour le plus important dans la semaine, au moins en France aussi ici, c'est le dimanche. Donc on a les dimanches par Félix Leclerc. Okay. And ensuite, la France a ses dimanches par les négresses vertes. Ceux qui disent que les dimanches sont jours d'ennui, d'espoir qui flanche, n'en ont jamais mal dans le dos, pour n'avoir pas besoin de repos. Ces jours de semaine qu'on paie les comptes, qu'on se lève tôt et qu'on a honte de n'avancer qu'à pas de chat dans un métier qu'on n'aime pas. Mais c'est dimanche que s'arrêtent ceux qui ont pain et amitié. Ceux qui n'ont rien regardent couler le son des cloches sur les toits. Ces jours de semaine que les enfants dans des cahiers apprennent après combien il y a de trois dans une douzaine. Combien vieillir, c'est dégoûtant. Mais c'est dimanche que Tijan va voir Marie, sa souveraine. En complet bleu, c'est le seul temps qu'il tourne dos à la semaine. Ces jours de semaine que l'on enterre ses morts, ses rêves et ses folies. Ces jours de semaine que les bandits pillent les banques et tuent leurs frères. Ces jours de semaine qu'on pousse porte, qu'on offre bras, idées, talents, qu'on se fait bafouer et qu'on rapporte plaies aux épaules, plaies en dedans. Mais c'est dimanche qu'on s'arrête, comme dans le creux vert d'une baie, et qu'on enlève son collier pour oublier qu'on est des bêtes. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur la station KFAI 90.3 Minneapolis FM et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. And we want to remind everyone that they can join KFAI to support community radio volunteer run by going to kfai.org, and you can specify Bonjour Minnesota as your station. So that was just Félix Leclerc with... That was Félix Leclerc. Very famous. In Le Dimanche. Mm-hmm. And yes, he's a Canadian singer, and I think his most famous song is about les souliers, mm-hmm. ou moi mes souliers. But this one, it's very, very nice. He sings about how, you have all this stuff during the week that's behind you, and now finally on Sunday you can do whatever you want and go your heart's delight in the things that you're interested in. Very nice song. Oh, il faut dire l'heure, hein? Mm. Il est quoi, 9h? 9h, 1 minute? Ou il est 21h et 1 minute. Papier. Ici à Minneapolis et Saint-Paul. Et à Paris? Et c'est 4h le matin. Et là, je vais en dire quelque chose là après, parce que c'est en France, on a changé l'horaire aussi, comme ici. L'heure d'été. Oui. Daylight Savings Time. C'est ça. C'est oui. L'heure d'été, on dit ça en français. Et c'était cette semaine ou c'était le même jour de changement pour nous? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que quand vous avez essayé de téléphoner en France, ces dernières semaines, il y avait un décalage seulement de 6 heures. Et maintenant, dimanche dernier, c'est-à-dire même à Pâques, mais ce n'est pas pour cette raison-là, la France a changé, avancé l'heure. L'horloge d'une heure, et il y a quand même des Français qui se demandent pourquoi. Il y a 54% qui ne veulent pas faire ce change. Mais pourquoi les Français ont commencé ça? Bon, c'était dans les années 60, surtout à la première crise de pétrole, qu'on a décidé que si on veut aller changer l'heure, pour jouir de la lumière de jour, mm-hmm. on pourrait épargner pas mal de d'énergie. Oui. Mm-hmm. Et en principe, ils disent que même c'était dans les années 73-74, et ils disent que même cet changement peut donner d'énergie qui pourrait alimenter une ville comme Le Havre complètement pendant. Oui. Donc c'est énorme. Et ça se passe le dernier dimanche au mois de mars. Et ça s'effectue à 3 heures le matin. Donc on vous déprive d'une heure de sommeil si vous avez des rendez-vous le lendemain, mais évidemment c'est dimanche, comme disait Félix Leclerc, c'est le jour où on peut faire ce qu'on veut, donc heureusement on n'a pas des rendez-vous, mais lundi suivant. Donc c'est fait partout en Europe le lundi de Pâques. Oui. Tout est fermé. Oui. Et en Europe, le changement de temps, évidemment, c'est en Allemagne, c'était plus tôt, dans le mois de mars. Oui, oui. Et à peu près une semaine semaine plus tôt. Je croyais que c'était le tout partout. Non, c'est pas. C'est un peu décalé, mais dans la Union européenne, on est en train de vouloir mettre tout à l'heure, de tout à la même, au même pas, de sorte qu'il n'y a pas de différence entre les différents pays. Mais la France, c'était effectivement un décret du gouvernement français en 73, le passage d'heure d'été. C'est efficace. Mon beau-père, il a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est normal de ne pas mettre la lumière quand il y a encore du soleil pour économiser de l'argent. Ici, on met toutes les lumières et tout est joli, mais ça coûte cher. Ça coûte de l'énergie, bien sûr. Mais il y en a quand même 54% des Français qui ne veulent pas ça. Et la secrétaire ou la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, elle avait promis d'avoir un débat là-dessus. Mais ça, c'est pas encore. C'est déjà l'année dernière, mais c'est pas encore. Venu. Est-ce qu'on dit pourquoi les Français n'aiment pas ça les embête. Les heures. Ça les embête d'avoir changé les heures, mais c'est embêtant si tu veux dans la maison. Bon, il faut qu'on change l'heure ou les piles pour dans tous les horloges. Et tu penses à si y a quelqu'un, une ville ou un musée qui a encore des horloges partout. Il y a des gens qui travaillent toute la nuit pour changer l'heure proprement. On peut retourner à la musique. Oui, on va encore jouer la suivante. La France a ses dimanches par les négresses vertes. On n'a pas eu le temps pour avec la. On y va? Oui. Aujourd'hui c'est dimanche et Jean-Louis est content. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 16 ans. Son père est fier de lui, c'est un homme à présent. Il peut donc l'emmener à la chasse. Oh, faisant. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier pour guérir la petite sœur. Atteinte de mongolisme jusqu'au plus haut degré, elle va au catéchisme, mais fait peur au curé. Aujourd'hui c'est dimanche, un grand jour pour Jean-Louis. Son père lui a offert un merveilleux fusil. Il court dans le jardin pour buter un canard. Il n'y trouve que Brigitte faisant de la balançoire. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier, prier pour la petite sœur. Abattu par Jean-Louis de trois balles en plein cœur. Tic-clic-pam, tic-clic-pam, tic-clic-pam. Pas mal pour un début. Affirma le don. You heard the les négresses vertes, la France à ses dimanches, and VRP in Aujourd'hui c'est dimanche, and both of those are very upbeat songs about Sunday, and both exactly have more or less the same theme. The négresses vertes sing about how they can sleep in on Sunday, and VRP Aujourd'hui c'est dimanche is of the same kind. The Sunday and like to do whatever they want on this on the Sunday. But these are very upbeat songs, and in the VRP Aujourd'hui c'est dimanche he also sings about a Sunday in spring, so we at least have one little tie to our beginning of the spring season. Wonderful. We have some announcements. Ah oui, des annonces. Oh, coming up is Le Petit Déj at the Alliance Française Breakfast Conversation Group. And it's really a lot of fun because you get to meet many interesting people while you are having your breakfast of delicious fresh bread and sometimes croissant from the Breadsmith. That's going to be this coming Saturday, April 2nd, from 9:30 to 11:30. Also at the Alliance, Intermediate Level Book Club, Navigateur de la Littérature. They are reading and will meet Wednesday, April 6th from 6 to 8. Here's an important announcement. Meredith Monk will be appearing in a reception on Wednesday, April 13th at 7 p.m. at the Alliance. Monk creates works that thrive at the intersection of music and movement, image and object, light and sound, discovering and weaving together new modes of perception. Many classes, of course. I'll mention a few of the most important, but if you'd like to read them all, I suggest you check them out at the website. Bonjour at Alliance Française at afmsp.org. There's 2 days a week intensive classes at beginner semi-intensive. That meets on 3 hours a day, 2 days a week. Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to noon, and an advanced semi-intensive group for advanced levels, 3 hours a day, 2 days a week, Wednesday and Friday, 9 to noon. There's further explanation at their website. Register for spring session. All kinds of topics, classes, and a new 3-week series on pronunciation. A 1-day workshop will be given Saturday, April 16th, 1 to 4. And you must be advanced 1. This is how to make verbs agree with whatever, like si j'avais su, and then what verb would you put in there? Je ne l'aurais pas dit. So, when is that class? That class is coming up on Saturday, April 16th, 1 to 4. I need that class. J'ai besoin de prendre cette cours. Oui, c'est un peu compliqué. Things for kids. Summer camps. Play games and sing songs. Create works of art all around the theme of fairy tales. It's for kids, children, and teens, aged 3 to 16, in a French immersion setting. You can save some money if you register by April 30th, and families who register 2 or more children also receive a discount, but only 1 discount per application. Oh, this is a very good thing. I want to see this. The Voices of Light on the Passion of St. Joan of Arc. The Oratorio Society presents Friday April 15th at 8 p.m. at the Cathedral of St. Paul, and also on Friday, April 22nd at 8 p.m. at the Basilica of Mary. Alliance Française members receive a discount. And what is it? The Voices of Light is based on a very famous film. A 1928 silent film masterpiece, The Passion of Joan of Arc. There will also be a choral group of 90 people in the chorus, soloists, as well as an orchestra. The Fitzgerald Theater presents Saint-Germain, An Evening with Saint-Germain, on Monday, April 11th at 7:30. Another discount if you are a member. You have seen him before, right, Nina? I haven't seen him in person, but let's listen to a song. Okay. Let's just take a little detour and listen to some Saint-Germain. Right. He's just a great composer. And we usually don't play non-linguists, you know, without lyrics. Instrumentals. But we'll play an instrumental just for a little bit. D'accord. Just to refresh our mind of Saint-Germain. And he has a new album out. So this one's from his tourist album that made him famous. Yeah. right, yeah, you're right. Oh, no, am I sad? And you love my dear, love my dear, on me. I love my dear, love my dear. Give me morning groaning, you, you, you, you. Give me morning groaning, me. Well, in the morning, you, you. Morning groaning, baby. I got a mom on to you, baby. Membership drive is happening now. This is the time to give. I am Raul. I'm Pablo, host of Latino All Rock. KFAI is where you hear music and voices from the entire community. Go to kfai.org and click where it says support us. And thanks for contributing to KFAI. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Programming on KFAI is supported by Clearway Minnesota, advising that flavored tobacco is still a problem for Minnesota's youth. A recent survey shows that more than a third of Minnesota students have tried flavored cigars. More at stillaproblem.com. Well, Dana, that was an interesting bit of music by Saint-Germain. I will say Saint-Germain is going to be performing here an evening with Saint-Germain Monday, April 11th at the Fitzgerald Theater. He is a very famous composer, DJ, musician. His real name is Ludovic Navarre, alias Saint-Germain, and he will be here. Awesome. Yeah, there's discounts for Alliance Française members. I think yes, there is a discount. Mm-hmm. Big pack of us are going to go to dinner and then go to the show. Oh, that'll be fun. Yeah, for sure. Good discount, too. Mm. And when was this again? April? It's Monday, April 11th. 11th, okay. Monday at the Fitzgerald. Mm-hmm. I would advise getting it. Yes, we have some more. Coming on also April 11th is Lojo. They will be performing at the Cedar Cultural Center Monday, April 11th at 7:30. Oh, tough time to have a conflict like that. Why would you have two French concerts on the same night? They apparently didn't talk. It's so and popular. And their agents didn't talk. They were at the Alliance Française Bastille celebration, and you won't want to miss this chance to see them again, so you'll have to choose between Lojo, who was a, they call him an angelic French tribe, has been roving the world. with her musical luggage for 20 years. So it looks like six people, four men and two women, and they sing in many, many different languages. They mingle French, Spanish, Arabic, Creole, and English. Again, a discount for Alliance Française members. You call the Alliance and ask for Anna. And another group is called the Caravan Palace. Will be coming to the Skyway Theater on Friday, June 17th at 9 p.m. It's a Parisian seven-piece electronic big band. Their name is the Caravan Palace, Friday, June 17th at the Skyway. And a whole bunch of people here. I won't read their names right here. But that, too, is a discount for Alliance Française members. And one important announcement here, there is a permanence consulaire. That is for French people mainly who wish to do something like, they could get a passport or renew their passport, or they could sign up their children to be French citizens. Mm-hmm. Your children. Yep. Enregistrement des documents consulaires, livret de famille. And they have something new called electronic. I think it's like a passport with a chip. Oh. It's an enhanced. But if you want something like that, you have to go to email. Chicago, I suppose. Yeah. You have to email the consul at contact at Consul France, one word, -chicago.org. So are your children dual nationality? Right now they are, yeah. They have the... They don't have a French passport, but they are registered as a citizen of France in a livret de famille. Mm-hmm. Okay. History Roundtable. This is coming up April 14th at Fort Snelling Visitor Center, part of the Harold Deutsch World War II History Roundtable series. We'll bring together authors, historians, and World War II veterans to discuss the history of the conflict. This time it is the southern invasion of France, about which little is spoken, I think. So this will be a chance for those veterans to connect with others who were there and to tell their stories. The Minneapolis-St. Paul International Film Festival will be coming up soon, April 7th through 23rd. And there are all kinds of French stars: Depardieu, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Jacques Audiard. We interviewed Jacques Audiard. I did once. Vincent Cassel, he's Le going prophète, to do what? Ça, oui. Le Prophète was he's going Audiard. To, He's got another new one out. Juliette Binoche, all of your favorites. Also, they're looking for host families for Minneapolis and Tours, sister city. Tours University master's student will be doing full-time internship with Meet Minneapolis from May to September of this year. They are looking for a host family who lives in Minneapolis or close to downtown bus or train lines for easy commute. If you are interested in hosting such a student, contact Mary at the Alliance Française. Euro Cocktail has a new location at the DoubleTree by Hilton. Oh, this is past. I'm sorry. Is that the Euro Connect? Yes. Or okay. Yeah, because they've taken some time off. Yes, this was in a couple days ago. Oh, well, it'll be coming up again in a month or so. Last announcement, the meeting about the birth and death of French Plural Pluriculturalisme, a tale of Muslim and Jewish encounter, Friday, April 1st at noon. Visit the U of M campus for a presentation on the rise and fall of the 1980s Muslim-Jewish Alliance to Fight Racism. Nicholson Hall, room 135, noon, April 1st. Et voilà, c'est les annonces. On va écouter de la musique. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a encore sur la liste, Olaf? Oui, on peut donner par... Le prochain, c'est... Oui, c'est François Hadji Lazaro, champagne. I thought if we play something on Sundays, dimanche, we might as well do something on champagne. And the other one is, let me see, this is Les Eaux de Mars by a group called Atlantique. So this is the waters of March. Here we go. Sénatorial pour une tête de mule dans toutes les chorales. Nous voulons les bulles qui sont dans le champagne. D'Espagne, d'Italie, d'Allemagne. Pas de cidre de Bretagne, il faut du champagne. Pas de cidre de Bretagne, il faut du champagne. Qui viennent de Champagne, Champagne. Ce sont les crapules qui font la morale. Et ce sont les jules qui dansent dans les balles. Il faut une pendule à la gare centrale. Et un voile en tulle pour la robe nuptiale. Car pendant qu'Hercule dort au pied d'un phare, nous voulons les bulles qui sont dans le champagne. Champagne, champagne. Buvons du champagne, du meilleur champagne qui soit en champagne. Pas de mousse d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne. Pas de cidre de Bretagne, il faut du champagne. Qui viennent de Champagne, Champagne. Pas besoin de calcul pour une intégrale, ni de majuscule pour mes initiales. Il y a une notule dans le bas du journal qui parle de capsule en vol orbital. Il faut plus d'une virgule avant le point final. Nous voulons les bulles qui sont dans le champagne. Champagne, champagne, champagne, champagne. Buvons du champagne, meilleur champagne qui soit en champagne. Pas de mousse d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne. Pas de cidre de Bretagne, il faut du champagne. Pas de cidre de Bretagne, il faut du champagne. Qui viennent de Champagne, qui viennent de Champagne, qui viennent de Champagne. Pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent. Au sommet des collines, c'est une vieille ruine vidée de néon. C'est la pique qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, se la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharpe, un clou. C'est la pierre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un chef, c'est comme du vide par champ. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour de du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui goasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse du fil. KFAI is a proud sponsor of The Record Show. The next record show is Saturday, April 2nd, 9 a.m. to 4 p.m. at the American Legion, 6501 Portland Avenue in Richfield. Lots of free parking. More info at mnrecordshow.com or 651-224-4947. Programming on KFAI is supported by the Minneapolis-St. Paul International Film Festival, April 7th through the 23rd, premiering more than 200 new international films at St. Anthony Main, Uptown Theater, and Metro State University. Tickets now available at mspfilm.org. Okay, what, in English or in, yes, okay. So what we heard was Champagne by the group, by François Aji Lazaro. And basically what he sings about is, first about all the bubbles that come out in a glass of champagne. And then he is absolutely adamant to say, you drink champagne, don't drink the mousseux, which is the, well... super bubbly, Sparkling. No, that's just a sparkling wine. You drink champagne from the Champagne region. Mm-hmm. So he was very adamant about this. But apparently liked champagne quite a lot. You should tell everybody again that the bubbles are naturally built into the fermentation process. There is no outside carbonation. Exactly. Well, and so this is totally different from the champagne they produced during prohibition in bathtubs and the CO2 soda bombs bubbling it up. So, but and that wouldn't even be called mousseux. But and the mousseux can be pretty good. I mean, like champagne from from the Loire Valley. I mean, mm-hmm. not Champagne. Mousseux from the mm-hmm. Loire Valley is. They are very good mousseux, bubblies. Because it's against the law. But you can't nothing anything that's outside of Champagne. Well, some region. People will not drink German sect. Yeah, yeah, right. They must have champagne from and, the but region. The thing is this, in America, these bubblies are called champagne. Mm-hmm. But in France, that does not pass. No, right, but champagne. I mean, you can, there are a lot of these sometimes cheaper mm-hmm. brands are called, labeled champagne. And the reason for this is that the international commission that was set meeting together in the 1920s to actually establish the origine du pays and the protection of names. Appellation d'origine contrôlée. And the names. They came up with these rules so the Germans can't, and the Germans took part, and they can't call their bubbly champagne, so they call it sect, and the same thing in Spain, which makes some very good ones, and also for the like a Porto, yeah, you like can't Porto or Porto like Portuguese, right? Yeah, but I mean, still, it's from the port mm-hmm. of Porto, and you can't call that. You can call it something else, but or the even the Rhine wine can't. You can't. It's a location, and it's a particular wine. A Riesling, and you can't call it. No one else can call it. Mm-hmm. Well, the thing is this. At the time, the U.S. wasn't even invited to this conference because it was prohibition, and people thought this would last forever. So if they can't produce it, anything in their own country, why bother? And then, of course, in 1931, or was it 32, the Volstead Act was overturned, and so here we are. We can call anything what we want to call it. Oh, and then good grief! I'm getting lost. And the next song was Les Eaux de Mars, and which means the waters of March. So we have again a connection to the month of March. But this is a song, actually a Portuguese or a Brazilian song by the author Carlos de Jordin, and it's from an album called Canciones en Francés, an RFI music compilation of songs, and apparently the month of March is the one that has the highest highest rainfall in Buenos Aires. Mm-hmm. No, in Rio de Janeiro. Yes. Mm-hmm. So, and the song is structured in such a fashion that you kind of feel or hear sounds like rain is coming down, going down and down and down and down. Okay. Yeah, it was so funny because we know the Sergio Mendes version, mm-hmm. and then we know the Simon and Garfunkel version of that song. So, this interpretation by Atlantique in French was very nice to hear. Great detour. Petit detour. Okay, what's next? Okay, let's... est-ce qu'on peut jouer la Mademoiselle chante les blues? Mm-hmm. Et c'est par Patricia Cass. Et... suivi par... Et puis... il y a deux chansons, puisqu'on est en une époque ou dans un temps de politique. Il y a deux chansons, deux pièces sur la politique. Mm-hmm. La politique de Coluche, ça ne vaut pas la peine de vraiment le passer tout, mais c'est intéressant de savoir des morceaux pour entendre ce qu'il dit et comment le public l'applaude. Et puis l'autrement, c'est Politiquement correct, par Jean-Patrick Capdevielle. Y va. rêve des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Y'en a même qui militent dans la rue avec tract et banderole. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix, elle y qui sont bien filles du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui jouent Fanny Béret, Dijon et Cardinal, qui mélangent vie en rose et image épinale, qui veulent se faire du bien sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues. Mademoiselle chante le blues. Drive is happening now. This is the time to give. I'm Jackson Buck, host of Freewheeling. KFAI is where you hear music and voices from the entire community. Go to KFAI.org and click where it says support us. And thanks for contributing to KFAI. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dérangé. Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent. Alors on se dit, ouais, mais c'est une politique. Je fais pour les sommets en même temps. Mais... C'est une politique. Ça doit être un métier difficile, c'est une politique. C'est pas vrai. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que Monsieur là, il pétoche, les hommes politiques. Il va bientôt y avoir les érections pestilentielles, alors. J'aime autant vous dire que, comme ils disent dans les milieux autorisés, les hommes politiques trahissent des inquiétudes. Hein. Faute de mieux, évidemment. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis que c'est des cons. Le président de la République l'a dit. Dans un truc pour les jeunes, il croyait pas qu'on allait le répéter, il a dit. Le plus inquiétant pour notre jeunesse, c'est la médiocrité de pensée de nos hommes politiques. Peut-être, je ne sais pas pour qui disent ça, peut-être. Moi, j'avais pensé à le Canuet tout de suite, je me suis dit, tiens, monsieur Canuet, on ne sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a dû être premier dans un concours de circonstances, le Canuet. Ah, mais okay, il est propre, hein. On dirait un VRP multicarte. Bonjour, J'ai tout le matériel dans la R16. Il s'en sert comme épouvantail à la campagne. Gosh. You heard two songs there, or one was political. The first one was Mademoiselle Chante la Blues by Patricia Kaas, a very great jazz singer. And the second one was a little bit of the great comedian Coluche talking about la politique, politics. And I think they sort of have the same opinions as we do on many things. So it was essentially a lot of play on words, yes. And a situation comic that you have to be knowledgeable of, and that's yes. But the people who were in the audience obviously were because they kind of got all they wild. They adored Coluche. Yeah. He's no longer a man. He died tragically of a drug overdose. No, was it a drug overdose? I don't know what he died of. I forgot. But he's memorable for his outfit that he wore all the time, his clogs, or and sort of a whole long bib overhaul type thing, and he always came out in that. What song? Did you hear him before, Nina? Seen him in some movies, and I know that he was kind of like a clown. Yeah. And that he was very, Pantin. Chuck Pantin. It was like a famous movie that he had. But I didn't listen to enough of his stand-up. Right. I miss that. It's a great experience to be able to see French stand-up comedy when you're really into it. But we need more of that. Yeah, Alliance Française sometimes has some events. Do they with them? Oh, yeah. Yeah, they had comics. This event with the best-known comic of France. Oh, God, and Mala. It's just here, yeah. Mm-hmm. So he was at the Cedar Culture Center. But it's good to hear about politics, and it doesn't ever change, it seems. What's the next song that we have? Well, the next song on this, since we are in politics, the next one is a song and not... the cabaret, but it's Politiquement Correct by Jean-Patrick Capevielle, and it's I think this at least fits into the present situation, I would say. Here we go. J'ai ma tête d'épingle épinglée sur les épaules, mon beau complet gris, ma cravate couleur jour pas drôle. Hey hey, même si j'ai l'air bien sage, j'attends qu'un miracle pour sortir de ma cage comme vous. C'est tout, moi qui puis l'enfance fait toujours. l'avenir dans un wagon blindé. Well, you heard Coluche and Jean-Pierre Capdeville, and what we will hear now at the end of our show is we will bid you good night. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde et à la bonne nuit les enfants. Mm-hmm. Bon, oui. C'était une bonne film, j'aime bien. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine tout le monde. Nounours, le gros nounours. Bientôt, faites de bons rêves. Bonne nuit, les petits.